Toi le disparu, ta bonté fut si grande que le jour où la terre habilla ton cercueil, un monde qui t'aimait te fit un signe offrande d'un imposant bouquet fait de larmes de deuil. Le jour où les clous ont pleuré, on enterrait Margaritis. Le jour où les clous ont pleuré, on ne leur a pas crié bis. Toi le magicien de la piste aux étoiles, qui savait présenter de savants numéros, ton souvenir demeure et jamais ne se voile pour ceux qui t'ont connu sous le grand chapiteau. Le jour où les clous ont pleuré, on enterrait Margaritis. Le jour où les clowns ont pleuré, on ne leur a pas crié bis. Ainsi, malgré le temps qui passe et se consume, sur le petit écran revient briller ton nom, car tu mérites bien cet hommage posthume pour avoir fait fleurir beaucoup d'admiration. Le jour où les clowns ont pleuré, on enterrait Margaritis. Le jour où les clowns ont pleuré, on ne